J'aime ta bouche quand elle est fine mouche, mais j'aime moins son côté assassin, tes mots farouches qui piquent et qui me touchent, tes mots si fins qui dominent les miens. J'aime ta langue enflammée quand elle tangue, mais j'aime moins goûter à son venin, son côté kank quand mon amour exsangue. Lève les mains par peur du lendemain. Un peu de toi, de haut en bas, ta bouche pour m'égarer, tes lèvres pour me garder. J'aime tes lèvres accrochées qui s'enfièvrent, mais j'aime moins les voir voler trop loin. Quand des orfèvres, comme des jeunes lièvres, cherchent un butin dans le blé de tes reins. J'aime tes dents sur mon corps, tes quatre dents, mais j'aime moins tes crocs sur mon écrin, tes accidents et tes rentres de temps. En bas, ta bouche pour m'égarer, tes lèvres pour me garder. J'aime ta bouche quand elle est pas farouche, mais j'aime moins ta langue et son venin, tes lèvres louches, ce démon qui les touche, tes dents enfin qui dévorent ma faim. Un peu de toi, de haut en bas, ta bouche pour m'égarer, tes lèvres.